salut, tu appelles à Dieu, tu feras tout pour retrouver ta liberté, tes terres sacrées qu'on t'a volées par égoïsme en toute impunité. Tu vois ton peuple massacré, emprisonné, mais pas de larmes dans tes yeux, ni de haine dans ton cœur amoureux. Tu veux vivre simplement comme avant, comme tes ancêtres d'antan. Viens guerrier et tout puissant, à qui on a pris les enfants pour montrer des Indiens encore vivants. Comme ces hommes innocents, génocide méprisant, on ne peut oublier ces moments, cette honte qui marque ces instants. Et ton nom chante la nature d'un peuple heureux et toujours aussi pur, ne demandant pas le progrès, mais vivre en paix, cette sainte parole qu'on veut t'apprendre. Tu veux juste vivre sans attendre qu'on te prive de liberté et d'amitié. Maintenant enfermé, tu ne sais même plus où aller et vivre si simplement comme avant, comme tes ancêtres d'antan. Viens guerrier et tout puissant, à qui on a pris les enfants pour montrer des Indiens encore vivants comme ces hommes.